الحمد لله الحمد لله رب العالمين لروانج تا ديو سينيور دي زونيفير خلق الدنيا وزينها بالمال والبنين il a créé le bas monde et il l'a orné par les biens et les enfants ثم قال لنا et après il nous a dit وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Mais l'au-delà est meilleur et éternel. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِيُّ الصَّالِحِينَ Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ لَهُ L'archange Gabriel, prière et salut sur lui, est venu voir le messager de Dieu, prière et salut sur lui. فقال له, il lui dit, يا محمد, ô محمد, عش ما شئت, vis pendant la durée que tu veux, la durée de temps que tu veux, فإنك ميت, mais bien sûr, après ceci, tu vas mourir. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ Et fais ce que tu veux, et tu en seras récompensé. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ Et aime ce que tu veux, ou celui que tu veux, mais bien sûr, tu vas le quitter. وَعْلَمْ أن شرف المؤمن قيام الليل واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل et sache que la noblesse du croyant se trouve dans la veillée nocturne c'est-à-dire lorsqu'il se lève pendant la nuit pour faire des prières devant Dieu subhanahu wa ta'ala وعزه استغناؤه عن الناس et que son honneur se trouve dans son indépendance vis-à-vis des gens. رواه الطبراني بإسناد حسن, rapporté par l'imam الطبراني avec une chaîne satisfaisante. يا محمد, عش ما شئت فإنك ميت. وعمل ما شئت فإنك مجزي به. وأحبب من شئت فإنك مفارقه ولكنك إذا أحببت الله فإنك ملاقيه واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل et sache que la noblesse du croyant se trouve dans la veillée nocturne فإذا كنت تجد يا أخي ويا أختي بأنك تقوم الليل من غير أيام رمضان فاعلم بأن الله شرفك واعلم بأن هذا شرف لك عند الله تعالى وتبارك sache frère ou sœur que si en dehors du mois de Ramadan tu fais des veillées nocturnes par la prière sache que c'est une noblesse offerte par Dieu subhanahu wa ta'ala à toi وعزه استغناؤه عن الناس et son honneur se trouve dans son indépendance vis-à-vis des gens. فإذا كنت تجد نفسك قد أغناك الله عن الناس فهذا عز أعطاه الله لك ما بعده عز. Et dans le cas, frère ou sœur, où tu vis dans cette dunya, indépendamment des gens, indépendant des gens, tu dois savoir qu'il s'agit d'une noblesse ou d'un honneur que Dieu t'a voulu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. جاءت فاطمة رضوان الله عليها فاطمة الزهراء بكسرة من خبز الشعير. فاطمة que Dieu soit satisfait d'elle est venue avec un morceau d'un pain fait à partir de l'orge. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه Le prophète prière et salut sur lui a dit qu'est-ce que c'est. قالت قرص أو قرص قرص خبزته, une galette que j'ai préparée. فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. Et ma conscience n'est devenue tranquille que lorsque je t'ai apporté ce morceau. فقال صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui dit, هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام. Il dit prière et salut sur lui à sa fille, il s'agit du premier repas que ton père va manger depuis 3 jours. رواه أحمد والطبراني, rapporté par l'imam Ahmed et l'imam al-Tabarani. وتقول عائشة رضي الله عنها, et Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, dit, ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه, رواه الإمام البخاري والإمام مسلم, ما شبع محمد ولا آل محمد من خبز الشعير, مش اللحوم التي نأكل والمشروبات التي نشربها إلى غير ذلك, لا, فقط خبز الشعير, لم يشبع منه يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle dit, la famille de Mohammed, prière et salut sur lui, n'a jamais été rassasiée par le pain d'orge pendant 2 jours de suite jusqu'à la mort du prophète, prière et salut sur lui, unanimement authentique, al-Bukhari et Muslim. Ya Mohammed, عش ما شئت فإنك ميت ô Muhammad, vis le temps que tu veux, mais bien sûr par la suite tu vas mourir. وعمل ما شئت فإنك مجزي به, et fais ce que tu veux, bien sûr tu en seras récompensé. وأحبب من شئت فإنك مفارقه, et aime ce que tu veux, et bien sûr tu vas le quitter. وعلم أن شرف المؤمن قيام الليل, et sache que la noblesse du croyant se trouve dans la veillée nocturne. وعزه استغناؤه عن الناس, et son honneur se trouve dans son indépendance vis-à-vis des gens. سيدي أمير الأنبياء, maître émir des prophètes, صلى الله عليك عدد نجوم السماء, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, ورمال الصحراء au nom des sables du désert, وأولاد آدم وحواء, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, après ceci, ayyuha al-ikhwat wal-akhawat fi l'islam, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habibi Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdal al-salati wa azka al-salam, pour lequel on demande et on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Innana fi shahri Muharram, on est dans le mois Muharram, le mois sacré. وهناك من يخرج الزكاة في هذا الشهر. Il y a des gens qui acquittent la zakat pendant ce mois. وبهذه المناسبة سأتكلم اليوم عن الزكاة, raison pour laquelle j'aborde aujourd'hui le thème de la zakat. ومباشرة نتحول إلى المدينة, et rapidement on se déplace à Médine. وها هو جبريل عليه السلام ينزل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام, et voici l'archange Gabriel, prière et salut sur lui, qui descend pour visiter le bien-aimé Muhammad, prière et salut sur lui. أمير الملائكة يزور أمير الأنبياء, l'émir des anges rend visite à l'émir des prophètes, برسالة من الله, portant un message de la part de Dieu, آية قرآنية, un verset coranique, يقول الله في هذه الآية, dans ce verset Dieu dit, خذ من أموالهم صدقة صدقة يعني زكاة, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم, prends en leur richesse une aumône, l'aumône pas surérogatoire, mais plutôt l'aumône obligatoire. Prends de leur richesse une aumône, une zakat, avec laquelle tu les purifies et tu les bénis et prie sur eux. Inna salawatika sakanun lahum, car tes prières leur sont une source d'apaisement. Wallahu sami'un alim, Dieu est parfaitement audient et sachant. Amrun min Allah, لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم او لمن ينوب عنه، سواء الدولة المسلمة او جمعيات التكافل الاسلامية الى اخره. Il s'agit d'un ordre de la part de Dieu, le Très-Haut, à son prophète Mohammed, prière et salut, ou bien à celui qui va le représenter ou le remplacer, ça veut dire après sa mort, soit l'État musulman ou bien les associations de solidarité ou les organisations de solidarité musulmane, etc. خذ من أموال المسلمين صدقة الزكاة المفروضة. Prends de leur richesse, des richesses des musulmans, une aumône, ça veut dire la zakat obligatoire. وهذه الزكاة تطهرهم من الذنوب. Et cette zakat va les purifier par rapport, ou va les purifier des péchés. ومن بين الذنوب الشح والبخل. Et parmi ces péchés se trouvent l'avidité et l'avarice. وتزكيهم بها. Et cette, et tu vas les bénir grâce à cette zakat. زكاة للنفس وزيادة للمال وبركة. Donc la zakat constitue une purification pour l'âme et une croissance pour la richesse ou les biens et une bénédiction. La zakat tusawi tahara wa tusawi ziyada. Donc la zakat signifie deux choses, une purification mais en même temps une croissance. Wa salli alayhim. Et lorsque tu prélèves la zakat auprès d'eux, tu dois leur faire des prières ou bien des invocations en leur faveur. Et il s'agit là d'une sunna, celui qui va prélever l'argent de la zakat à la place du prophète, prière et salut sur lui, il doit faire des invocations et des prières en faveur de celui qui donne la zakat. والنبي صلى الله عليه وسلم أو من ينوب عنه لما يأخذ مال الزكاة ما هو إلا واسطة. Le prophète prière et salut sur lui, ou celui qui le remplace ou qui prélève la zakat en son nom ou qui le représente lorsqu'il prend l'argent de la zakat, ne constitue par là qu'une intermédiaire ou un moyen. أما الذي يأخذ حقيقة الزكاة فهو الله تعالى وتبارك. Mais plutôt celui qui prélève réellement la zakat est Dieu subhanahu wa ta'ala. قال تعالى عن نفسه, Dieu dit à propos de lui-même dans un verset coranique, ويأخذ الصدقات. يعني ويأخذ معنى الله, هو يأخذ, ويأخذ الصدقات, et qui prend les aumônes, qui prend, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui prend les aumônes. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète prière et salut lui dit, la yatasaddaqu ahadun bi tamra, quiconque donne une batte comme aumône, min kasbin tayyib, à partir d'un gain licite et bon, illa akhadaha Allah bi yaminihi, Dieu la prend avec sa droite, fatarbu fata فتتنمى وتكبر في كف الرحمن فتربو في كف الرحمن. Et elle augmente dans la paume du miséricordieux, حتى تكون أعظم من الجبل, jusqu'à ce qu'elle devienne plus grande qu'une montagne. نعطي تمرة في سبيل الله زكاة فتصبح أكبر من الجبل في يد الله تعالى وتبارك. Regardez mes frères et mes sœurs, le musulman donne une date comme aumône et Dieu l'agrandit jusqu'à ce qu'elle devienne plus grande qu'une montagne. Rawah al-Imam Muslim, rapporté par l'Imam Muslim. Taqulu al-aya, le verset dit, خذ من أموالهم صدقة, prends de leur richesse une aumône, في أي وقت, en quel moment, ومن أي نوع من الأموال, et de quel type de bien, وما هو القدر المأخوذ, et quel est le pourcentage qu'on doit prélever comme zakat. Al-Qur'an lam yujib an hadhihi al-as'ila. Le Coran n'a pas donné des réponses à toutes ces questions. Lam yubayyin. Le Coran n'a pas précisé. Kama lamma qala, exactement comme lorsque le Coran dit wa aqimu as-salat, accomplissez la prière. Mata nusalli, à quel moment doit-on faire la prière? Wa kayfa nusalli, et comment doit-on faire la prière? القرآن لم يبين لكورونا با إكسبليكي. الذي بيّن لنا الصلاة والزكاة إلى آخره, celui qui nous a détaillé la façon de la prière ou la façon de la zakat, etc., هو النبي صلى الله عليه وسلم, celui qui nous a détaillé le Coran, celui qui nous a interprété, expliqué le Coran, est le messager de Dieu, prière et salut sur lui. وكم أتعجب من الذي يقول, et combien je m'étonne de celui qui dit, لا حاجة لنا بالسنة, القرآن يكفينا. On n'a pas besoin de la sunna. Le Coran nous suffit. هذا كلام خطير. Il s'agit là de paroles dangereuses. هذا هدم للإسلام. Il s'agit là d'une destruction de l'islam. القرآن لا بد له من السنة. فهي التي تشرحه. La sunna est nécessaire pour le Coran parce que c'est elle qui l'explique et qui le détaille. والسنة لا بد لها من العلماء فهم الذين يشرحونها ويفهمونها. Et les savants sont nécessaires pour la sunna parce que ce sont eux qui arrivent à comprendre la sunna et à l'expliquer. وأبدأ بالسؤال الأول ما هي كيفية الزكاة. Et je commence par la première question, quelle est la façon de, avec laquelle on doit sortir la zakat. الجواب يتكون من عدة نقاط. La réponse se compose de plusieurs points. وأبدأ بالنقطة الأولى. Je commence par le premier point. زكاه المال, la zakat des biens, ou bien la zakat de l'argent. الذهب, par exemple l'or, أو الأوراق البنكية, ou bien les billets bancaires. النصاب هو 85 غراما من الذهب. Le seuil à partir duquel on devient redevable de la zakat en islam est le fait d'acquérir 85 grammes d'or, ou le prix ou la somme avec laquelle on peut acheter 85 grammes d'or. والقدر هو 2.5%, et là le pourcentage est de 2.5%. بعد مضي سنة على ملك النصاب, et ceci après le passage d'une année lunaire et non pas solaire depuis la possession du seuil du minimum. ففي حالة بقي النصاب ثابتا أو زاد من بداية السنة إلى نهايتها, dans le cas où le seuil ou bien le minimum acquis reste fixe, ou même dans le cas où il augmente pendant l'année, du début d'une année jusqu'à sa fin, وَلَمْ يَنْقُصْ خِلَالَهَا, et dans le cas où le seuil ou le minimum n'a pas baissé pendant une année, يُؤَدِّي الزَّكَاةَ, à ce moment-là, le musulman doit acquitter la zakat. هذا ما قاله المالكية والحنابلة والشافعية. الشافعية, ceci est l'avis des malikites, des hanbalites et des shafi'ites. أما الحنفية, tandis que les hanafites ont dit, قالوا حتى ولو نقص النصاب خلال السنة يؤدي. Ils ont dit, même dans le cas où le minimum baisse pendant une année, il doit acquitter la zakat, إذا كان النصاب في أول السنة وفي آخر السنة موجودا. Dans le cas où on a acquis le minimum, le seuil, au début d'une année et à la fin d'une année. فإذا كان مثلا ثمن 85 غراما من الذهب 1000 أورو. Je donne un exemple. Dans le cas où le prix pour acheter 85 grammes en or, si ce prix vaut 1000 euros en France, فمن عنده أقل من 1000 أورو لا يخرج الزكاة. Celui qui possède donc moins de 1000 euros n'est pas redevable de la zakat, ne doit pas acquitter la zakat. ومن عنده 1000 أورو منذ سنة قمرية, et celui qui possède par exemple 1000 euros depuis une année lunaire, ولا يحتاج لمصاريفه اليومية لهذا المال, et il n'a pas besoin pour tous ses frais journaliers à cette somme de 1000 euros ou à une partie des 1000 euros, وليس عليه دين ينقصها, et il ne doit pas payer une dette qui va baisser ce minimum de 1000 euros, فيخرج 25 بعد سنة. Il doit acquitter 25 euros après le passage d'une année. وَعَلَى أَلْفَيْنْ أُورُوْ يُخْرِجْ خَمْسِينْ. Et celui qui possède 2000 euros doit acquitter 50 euros, doit donner 50 euros aux pauvres. وَعَلَى ثَلَاثْ أُورُوْ يُخْرِجْ خَمْسَ وَسَبْعِينْ. Et pour 3000 euros qui restent chez lui pendant une année, il doit acquitter 75. وَعَلَى أَرْبَعَةْ أَلَافْ يُخْرِجْ مِئَةْ. Il a acquitté. Et pour 4000 euros, il doit acquitter 100 euros, etc. On a que mulahaba. Il y a une remarque. Annahu la zakat ala sakan. Comme quoi, il n'y a pas de zakat à propos de la maison. Lorsqu'on possède une maison, un pavillon par exemple, ou autre, on ne doit pas sortir la zakat pour le prix de la maison chaque année. يعني من عنده سكن بيت لا يخرج الزكاة على البيت والسيارة كذلك pour la voiture on n'acquitte pas l'aumône والأثاث et pour le meuble aussi on n'acquitte pas la zakat إلى آخره etc. رابعا أو الحالة الثانية le deuxième cas هو زكاة التجار. Il s'agit là de la zakat des commerçants. فالتاجر في كل سنة يقوم عروضه التجارية. Le commerçant doit, au bout de chaque année, évaluer toute la marchandise بالثمن الحالي selon le prix actuel في السوق ويضيف الأرباح. Il doit rajouter le bénéfice à son évaluation وينقص الديون التي عليه. Il doit soustraire les dettes qu'il doit payer. فإن كانت النتيجة نصابا. S'il arrive à un résultat qui est égal au minimum ou plus, ça veut dire plus que 1000 euros, aïe, mettelen 1000 euros, yu'addi itnain wa nisf al-mi'a. Ce commerçant doit acquitter une zakat égale à 2,5%. Wa la yadur in naqasa an-nisab khilal as-sana. Et ce n'est pas grave dans le cas où le minimum, ça veut dire les 1000 euros, ont baissé chez lui pendant l'année. Faqat udif shay'an akhar. Je veut rajouter quelque chose, yani بالنسبة للشركات, en ce qui concerne les sociétés ou bien les entreprises. هناك قولان, il y a deux avis. قالوا من عنده شركة, شركة فنادق مثلا, celui qui a une société ou une entreprise, une chaîne d'hôtels. يعني هو اشترى, يعني خصص رأس مال كبير في شراء الفنادق. C'est-à-dire la société a dépensé un grand capital pour l'acquisition des hôtels. قالوا هذا لا يخرج كل سنة 2.5 على مثلا ثمن لا يقوم ثمن الأوتيلات ويخرج الزكاة عن الأرباح كذلك. Ils ont dit que celui-ci ne doit pas évaluer à chaque année le prix d'achat de ses hôtels plus les gains rapportés par les hôtels et acquittés 2,5. قالوا, ils ont dit, ينظر فقط للأرباح. Il regarde seulement le bénéfice apporté dans une année ويخرج عليه العشور. Et il doit acquitter pour ce bénéfice le 1/10 كما في الفلاحة. Exactement comme dans le cas de l'agriculture, parce que l'agriculteur n'acquitte pas la zakat pour les terrains ou les champs qu'il possède. أما إذا كانت عنده شركة مثلا متجر كبير, ou bien dans le cas s'il a une entreprise ou une société qui a un grand supermarché, فهذا يقوم أو يقيم كل العروض التجارية الموجودة عنده. Celui-ci, il doit évaluer toute la marchandise qui se trouve chez lui et il doit acquitter plus les bénéfices, bien sûr, il doit acquitter 2,5% sur la totalité comme le commerçant مثل التاجر. والله أعلم هذه الآراء قالها الشيخ الدكتور القرضاوي. Tous ces avis sont donnés par الشيخ القرضاوي parce qu'à l'époque du prophète Qiyar et Sajouri, il n'y avait pas ce genre de choses. السؤال الثاني. La deuxième question. من يستحق الزكاة? Qui mérite de prendre la zakat? À qui doit-on donner la zakat? يجيب الله عن هذا السؤال في آية كريمة. C'est Dieu le Très-Haut qui donne la réponse dans un verset coranique. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Les aumônes ne sont destinées qu'aux pauvres, aux miséreux, aux agents qui y sont affectés, à ceux qui ont été ralliés à la cause d'Islam, à racheter la liberté des gens, à les acquitter de leurs dettes au service de Dieu, c'est-à-dire sur le sentier de Dieu, et à l'étranger de passage, c'est là une répartition obligatoire venant de Dieu, et Dieu est parfaitement sachant et sage. Al-amilina alayha hum alladhina yajma'unaha wa yuwazzi'unaha ala mustahiqiha. Les gens y affectés, ou bien les gens qui y sont affectés, ça veut dire les employés dans l'administration de la zakat, sont ceux qui collectent l'argent et qui partagent l'argent aux ayants droit. Comme par exemple les organisations de solidarité à notre époque, fi hudud at-tumun, dans la limite du 8e, wa hada ra'y al-Shafi'i, selon l'imam al-Shafi'i. Li'anna al-asnaf thamaniya bima'na 12.5 fil mi'ah. Parce qu'il y a 8 catégories citées par Dieu subhanahu wa ta'ala, donc l'imam al-Shafi'i a réservé le 1/8 pour les administrateurs de la zakat dans la limite de 12.5%. السؤال ونلاحظ هنا je fais la remarque بأن المؤلفة قلوبهم les gens ralliés à la cause d'Islam هم كفار غير مسلمين ورغم ذلك رغم أنهم كفار وغير مسلمين نعطيهم من الزكاة وهذا يبين انفتاح وسماحة الإسلام. Les gens ralliés à la cause islamique sont les gens qui ne sont pas musulmans et on peut leur donner de la zakat pour les encourager à devenir musulmans par la suite, si on a un espoir en leur islam. Et ceci montre la grandeur et l'ouverture et la tolérance de l'islam. Al-gharimin, les gens endettés. يعني الغارم هو الذي عليه دين ولا يستطيع أداؤه. L'endetté, celui qui a emprunté de l'argent et il est dans une situation par la suite dans laquelle il est incapable de payer la dette. À ce moment-là, on peut payer sa dette à partir de la zakat. Wa fi sabilillah, et au service de Dieu. Fi sabilillah, yani هناك من قال مثل الشيخ القرضاوي وغيره في سبيل الله حتى لبناء المساجد وخصوصا في أوروبا وخصوصا في حيث توجد الأقليات حتى بناء المساجد يجوز إعطاء الزكاة في هذا المجال حسب الشيخ القرضاوي وشيوخ آخرين لمن القدامى أو من المعاصرين. Au service de Dieu, dans ce domaine de service de Dieu ou le sentier de Dieu, on peut même compter la construction des mosquées. C'est-à-dire, on voit une mosquée qui est à construire, on peut donner de la zakat pour participer à la construction de la mosquée. Ou Ibn Sabil, l'étranger de passage ou de voyage, يعني هو الإنسان المسافر وإن كان غنيا في بلاده ولكن إن قطعت به الحبال نعطيه من الزكاة ليعود إلى بلاده. السؤال الثالث la troisième question, هل يزكي المستدين عن الدين إذا كان نصابا؟ Est-ce que le débiteur ou bien l'endetté doit payer pour la dette qu'il a contracté dans le cas où cette dette dépasse le minimum de 1000 euros. Al-Jawab, la réponse, Al-Mustadin la yuzaki. Le débiteur ou l'endetté ne paye pas la zakat à propos de la dette. لأن المال ليس له. Parce que la somme, la dette, ne lui appartient pas. والذي يزكي هو صاحب المال. Plutôt celui qui paye la zakat pour la dette, c'est le propriétaire de cette somme ou bien le créditeur. وهنا حالتان. Et là, il y a deux cas. أولا, إذا كان وافقا من رجوع الدين, dans le cas d'un débiteur solvable, dans le cas où le propriétaire est sûr du retour de sa dette, du remboursement de la dette, يعني دين بأجل سنتين ثلاثة إلى غير ذلك, il a donné une dette avec un délai à long terme, 2 ans, 3, etc. فيزكي صاحب المال À chaque année, le propriétaire doit acquitter la zakat pour la dette, pour l'argent qu'il a donné comme dette à une autre personne. Le deuxième cas, si le propriétaire est désespéré du remboursement parce que l'endetté passe par une crise, la yuzakki illa idha raja'a al-mal wa yuzakki an sana wahida 'inda al-imam Malik. À ce cas-là, il ne doit pas donner la zakat chaque année, il doit attendre le retour de le remboursement de la dette, et à ce moment-là, il acquitte la zakat pour une seule année selon l'imam Malik. Wa 'inda Abi Hanifa la yuzakki shay'an. Chez l'imam Abu Hanifa, il ne donne aucune zakat. Mais plutôt il doit attendre à partir du remboursement une année pour donner la zakat. La quatrième question. Est-ce que la femme doit donner la zakat à propos de sa parure, à propos de ses bijoux en or, dans le cas où sa parure et ses bijoux dépassent le seuil, ça veut dire 1000 euros. Al-jawab, la zakat fi hili al-mar'a. La femme ne doit pas ou n'est pas obligée de donner la zakat en ce qui concerne ses bijoux. Had al-kalam qalahu al-imam Malik wa al-Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa al-imam ibn Hazm. Ceci est l'avis de l'imam Malik, de l'imam al-Shafi'i, de l'imam Ahmad ibn Hanbal et de l'imam ibn Hazm. أما أبو حنيفة فقال بالوجوب tandis que l'imam Abu Hanifa il a dit que la femme est obligée de donner la zakat. فمرة في بعض المرات يأتينا شيوخ من بلدان تتبع الإمام أبو حنيفة الإمام يعني أبي حنيفة فإذا استمعتم إلى أقوالهم فالإنسان لا ينشغل بما يقولون فليعلم أنهم يتبعون مذهبا ونحن نتبع مذهبا آخر فلا يقول لا إمامنا كان يقول شيئا وهذا يقول شيئا آخر وهكذا في كل الأمور لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في رمضان ولا في الحج ولا في كل شيء الآراء كثيرة وكل يتبع مذهبا السؤال الرابع السؤال الخامس لا سينكيام كيستيون من استفاد مالا ببيع او غيره يصل الى النصاب celui qui a reçu qui a gagné un avoir par vente ou hiba ou par un don ou autre ce don qui dépasse le seuil c'est-à-dire 1000 euros مثلا باع دارا كانت عنده واحد دار وباعها ولا واحد الارض وباعها الى غير ذلك par exemple quelqu'un qui a vendu un terrain a vendu une maison que doit-il faire? Al-Yuzaki Filhan, doit-il donner la zakat tout de suite après la vente de la maison? Al-Jawab, la réponse, Hunaka Ra'yun Yakul Yantavir Sana. Min Yawmi Qabdihi Thumma Yuzaki. Il y a un avis qui dit, juste après la vente ou après le gain, il doit attendre une année lunaire, et après le passage d'une année lunaire, s'il a toujours cet avoir, il acquitte la zakat. وهذا رأي الإمام مالك والإمام الشافعي وأبو حنيفة وابن حزم. C'est l'avis de l'imam Malik, الشافعي, أبو حنيفة et ابن حزم. وهناك رأي يقول يضيفه إلى ما عنده ويزكيه في الوقت الذي يزكي فيه عادة. Le deuxième avis dit on rajoute l'avoir reçu à notre fortune normale et on acquitte la zakat au moment habituel dans lequel on sort la zakat par chaque année. Ma'na fi Ramadan ou fi Safar ila ghayr dhalik. Wa hunaka ra'yun yaqul bi zakatihi 'inda yawm qabdihi. Il y a un dernier avis, le troisième, qui dit on doit acquitter la zakat pour cet avoir reçu le jour de sa réception. Wa alladhi qala hadha al-kalam huwa al-shaykh al-Qaradawi wa ba'd al-ulama al-akharin. Wallahu a'lam, et Dieu est le seul et unique sachant. Cet avis a été cité par Cheikh Al-Qaradawi. هذا الكلام يطبق عن الرواتب الحالية. Ce que je viens de dire peut être appliqué au salaire d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque du prophète prière et sagesse, il n'y avait pas ce genre de salaire mensuel. رواتب اليوم هي مال مستفاد. Les salaires d'aujourd'hui, on peut les considérer comme un avoir reçu. فحسب رأيهم سلون النبي تزكى كل سنة إذا كانت نصابا كاملا باقيا طول السنة. سلون le premier avis, on attend une année et si on a toujours le minimum, plus que 1000 ans, 1000 euros, on peut acquitter la zakat. وحسب الرأي الثاني تزكى كل قبض يعني عند كل شهر. Selon le deuxième avis, on doit donner la zakat à chaque mois. À la fin de chaque mois, lorsqu'on reçoit le salaire, on acquitte 2,5% aux pauvres. Par exemple, 1000 euros, 25 euros pour les pauvres, mais à ce moment-là, on ne donne pas la zakat après une année. Mais l'avis le plus sûr est le premier qui dit on attend une année. La sixième et dernière question. Quelle est la punition de celui qui refuse d'acquitter l'aumône? La réponse, إذا كان لا يعترف بوجوب ووجود الزكاة في الإسلام فهذا كفر والعياذ بالله. S'il ne reconnaît pas l'existence et le fait obligatoire d'acquitter la zakat en islam, s'il ne reconnaît pas ça, il s'agit là d'une mécréance et on demande la protection de Dieu. Mais dans le cas où il reconnaît l'existence de la zakat et comme quoi c'est obligatoire, mais lui il n'acquitte pas la zakat parce qu'il est avare ويحب المال أكثر المال كثيرا أي الأم بوكو لارجون فهناك عقوبتان يا دو بونيسيون واحدة في الدنيا وواحدة في الآخرة اون دون سو با موند و اي لوتر دون لو دو لا في الدنيا عقوبة جماعية دون لا في ici bas il s'agit d'une punition collective. إذا منع معظم المسلمين الزكاة dans le cas où la majorité des musulmans ne donnent pas la zakat, عاقبهم الله بالجفاف. Dieu les punit par la sécheresse. Il n'y a plus de pluie. أو الفقر. Ou bien la pauvreté. فلا يعطيهم المطر إلا بقدر ما تحتاج إليه البهائم. Et Dieu ne leur donne l'eau ou la pluie que selon la quantité nécessaire uniquement pour les bestiaux, les animaux. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prie et sage lui dit, ولم يمنعوا زكاة أموالهم يعني عن الفقراء إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. Et chaque fois qu'ils privent les pauvres de la zakat, ils seront privés de la pluie venant du ciel et sans la présence des bestiaux, ils n'auront aucune goutte de pluie. رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي والطبراني والحاكم صح الذي صححه ووافقه الإمام الذهبي وكذلك الإمام الألباني. أما العقوبة الأخروية tandis que la punition qui se trouve dans l'au-delà, فقوله تعالى وتبارك في آية كريمة, c'est la parole de Dieu qui se trouve dans un verset coranique, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها, نفق هنا الزكاة, ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بعذاب أليم. Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent sans les dépenser sur le chemin de Dieu annoncent-leur donc un supplice douloureux. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Le jour où cet or et cet argent seront portés au rouge dans le feu de l'enfer et qu'on en brûlera leur front, leur flanc et leur dos, voilà ce que vous avez thésaurisé pour vous-même, goûtez donc à ce que vous thésaurisiez. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, بأن الإبل والبقر والغنم, comme quoi les chameaux, les vaches et les moutons, التي لم يؤدي صاحبها حقها, pour lesquels on n'acquittait pas la zakat dans cette vie ici-bas, غدا يوم القيامة, demain le jour de la résurrection, تنطحه بقرونها, ils vont lui donner des coups avec leurs cornes, وتعضه بأفواهها, et vont le mordre, وتطأه بأظوافها, et vont marcher au-dessus de son corps avec leurs pattes, كلما مرت أعيدت, et après chaque passage, il y a un repassage, ça veut dire sur son corps, في يوم كان مقداره 50,000 سنة dans un jour qui va durer 50,000 ans متفق عليه unanimement authentique البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم et le prophète prier et sage lui dit من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته, celui auquel Dieu a donné une fortune et il n'a pas acquitté sa zakat, مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع, يعني ثعبانا ثعبانا شجاعا أقرع, sa fortune sera transformée pour lui le jour de la résurrection sous la forme d'un courageux chauve. Un courageux chauve signifie en arabe un grand serpent. Lahu zabibatan, qui a deux taches sur les yeux, yani noqtatan sawdawan ala aynay, yutawwiquhu yawm al-qiyamah, et qui va l'entourer ou s'enrouler autour de lui le jour de la résurrection. Thumma yaqul ana maluk ana kanzuk, et après il va lui dire je suis ta fortune, je suis ton trésor. Hada al-hadith, ce hadith yani laysa min ilm al-khayal, il ne s'agit pas de la science-fiction, walakin shay'un sahih, il s'agit d'une chose authentique, véridique. Rawahu al-imam al-Bukhari wa Muslim, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim et d'autres imams. Akhi, ukhti, frère, sœur, innaka kullama mana'ta az-zakat, à chaque fois que tu ne donnes pas la zakat, innama tusammin hadha at-tu'ban, tu ne fais par là qu'engraisser et agrandir ce serpent. Wa ka'annaka tut'imuhu bimal az-zakat alladhi la tukhrijuhu, et comme si tu le nourris avec l'argent de la zakat que tu n'acquittes pas. Wa idha a'tayta az-zakat innama taqtul hadha at-tu'ban fi ad-dunya, et dans le cas où tu donnes la zakat, c'est comme si tu tues ce serpent pendant ta vie ici-bas. Az-zakat haqqun lil-fuqara, la zakat est un droit des pauvres. قال تعالى Dieu dit والذين في أموالهم حق معلوم, dans les biens de qui il y a un droit bien déterminé, للسائل والمحروم, revenons aux mendiants et aux privés, aux biens déshérités. أخي أختي, frère, sœur, إنك لما تمنع الزكاة, lorsque tu empêches la zakat, lorsque tu ne donnes pas la zakat, فأنت سارق, tu deviens un voleur. أتدري من تسرق, sais-tu qui voles-tu? Tesriq hukuk al-fuqara, tu voles le droit des pauvres. Haramun alayk an tatruka haqq al-fuqara ma'a malik, il est interdit pour toi que tu laisses le droit des pauvres mélangé avec ton argent. Idha fa'al, si tu le fais, fa maluka haram wasikh, ta fortune ou ton argent devient interdit, sale. وتطعم أولادك وزوجتك بالحرام, et tu nourris ta femme, tes enfants par l'illicite. أخي أختي, توب إلى الله, repends-toi à Dieu, frère ou sœur. طهر مالك من الحرام بالزكاة, purifie ton argent de l'illicite grâce à la zakat. فالزكاة طهارة للمال, parce que la zakat est une purification pour l'argent. الزكاة علامة على الإيمان, ومن لا زكاة له فلا إيمان له, la zakat est un indice de la foi, et celui qui ne donne pas la zakat, ça veut dire il n'a pas la foi dans son cœur. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى, وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, serviteur de Dieu, الزكاة نظام مالي اقتصادي, la zakat est un système financier, économique, اجتماعي, social, سياسي, politique, خلقي, moral, وديني et religieux. La mathilala, inédit, qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Al-zakat, tashhad bi anna l'islam dinullah. La zakat témoigne que l'islam est la religion de Dieu. Law akhadna faqat zakat al-fitr, si on prend uniquement la zakat de l'fitr, bi mu'addal itnain min al-uruhat fil alam al-islami, avec une participation de 2 euros par tête dans le monde musulman, wa darabnaha fi milliard wa nisfi, on la multiplie par 1,5 milliard. La a'tat 3 malayir euros, elle va donner 3 milliards d'euros fi kulli sana, et ceci chaque année. Amma law tatbaqna zakat al-amwal, dans le cas où on applique la zakat des fortunes, في العالم الإسلامي دون لو موند مسلمون وأدى الفلاحون والأغنياء والتجار والعمال إلى آخره يا كونديسيون كو لي زاغريكولتور لي ريش لي كوميرسون لي امبلويي اكسيترا أكيد لا زكاة بكل صدق avec toute sincérité la jama'na al mi'at min milliards al urouhat on collectera des centaines de milliards d'euros fi kulli sana et ceci à chaque année la harabna al faqr fi al alam al islami nous combattrons la pauvreté dans le monde musulman la aghnayna al malayin min al fuqara nous rendrons riches des millions de pauvres alladhina sayukhrijuna al zakat min al sana al iqtisadiyya qui vont à leur tour donner la zakat à partir de l'année prochaine wa la shaghalu 'indahum al malayin min al fuqara alladhina lan ya'khudhu al zakat fi al sana al qadima et ils vont employer chez eux des millions de pauvres qui à leur tour ne prendront plus la zakat à partir de l'année prochaine. ولزداد الأغنياء غنى et certes les riches deviendront encore plus riches بكثرة الاستهلاك grâce à l'augmentation de la consommation ولزداد حجم الزكاة بسرعة et le volume de la zakat va augmenter rapidement وأزيل الفقر بسرعة et la pauvreté sera éliminée rapidement. الأصل في الزكاة أن تغني الفقير من ساعته. En principe le but de la zakat c'est d'enrichir le pauvre immédiatement. قال عمر إذا أعطيتم فأغنوا Omar dit, lorsque vous donnez, enrichissez les gens. La tu'ati itnin ou 10 euros, ne lui donne pas 2 ou 10 euros, bel tu'atihi nisaban ou akhtar, likay la yabqa faqiran, plutôt tu dois lui donner le minimum au plus afin qu'il ne reste plus pauvre. Al-Shaykh, alladhi la yastati' al-amal, ya'ish min al-zakat. Le vieillard, à sa retraite, qui ne peut plus travailler, vit. À partir de la zakat. الشاب الذي لا يستطيع الزواج يتزوج من الزكاه. Le jeune qui n'arrive pas à se marier avec ses propres moyens se marie grâce à la zakat. الطالب الذي لا يستطيع الدراسه يدرس من الزكاه. L'étudiant pauvre qui ne peut pas poursuivre ses études peut les poursuivre grâce à la zakat. المسافر الذي لا يستطيع الرجوع الى بلاده يعود من الزكاه. Le voyageur qui ne peut plus revenir à son pays parce qu'il est devenu pauvre revient grâce à la zakat. المستدين المغلوب في الاسلام le débiteur ou l'endetté ruiné en islam لا نبيع بيته وسيارته ومتاعه في المزاد العلني. En islam on va pas vendre sa maison, sa voiture, ses meubles dans la vente aux enchères ويبقى وزوجته واولاده في الشارع et il va rester par la suite avec sa femme et ses enfants dans la rue. لا non سداد دينه من الزكاة. Le remboursement de sa dette se fera à partir de la zakat. المريض الذي ليس له مال le malade qui n'a pas d'argent علاجه من الزكاة. Ces soins seront faits à partir de la zakat. حتى قال بعض العلماء من أراد الحج من بين الفقراء فمن الزكاة لأن الحج في سبيل الله. Jusqu'au point qu'un savant dit celui parmi les pauvres qui veut accomplir le pèlerinage peut le faire à partir de la zakat parce que la zakat est un service sur le sentier de Dieu. النتيجه le résultat الزكاه نظام اجتماعي la zakat est un système social فيه تامين شامل لكل المجتمع dans lequel on trouve dans laquelle on trouve une assurance globale pour toute la société ضد الامراض contre les maladies التقاعد contre la retraite الكوارث contre les catastrophes والفقر والبطاله et contre la pauvreté le chômage. نظام لا يثقل ظهر الدولة. Un système qui n'alourdit pas la caisse de l'État ولا يخلق لها ثقبا في ميزانيتها et qui ne crée pas pour elle un trou dans son budget. نظام يرد الفقر غنى. Un système qui rend la pauvreté une richesse والضعف قوة et la faiblesse une force والمرض صحة. Un système qui rend la maladie une santé إلى آخره. الزكاة تزرع الأخوة والحب بين أفراد المجتمع. La zakat sème la fraternité, l'amour entre les membres d'une société. الحب بين الأغنياء والفقراء, l'amour entre les pauvres et les riches. ولا يخاف أحد على نفسه ولا ولده ولا زوجته. Et personne n'aura peur ni pour lui-même, ni pour ses enfants, ni pour sa femme. هناك صندوق الزكاة parce qu'il y a la caisse de la zakat. إذا أعطيت الزكاة اليوم, si tu donnes aujourd'hui la zakat, فربما تأخذ منها غدا, peut-être demain tu en prendras, أو يأخذ منها ابنك غدا, ou peut-être c'est ton fils qui en prendra demain, فهي منك وإليك, elle est de toi et revient vers toi. إنما المؤمنون إخوة, les croyants ne sont que des frères. والمؤسف, et ce qui fait mal, ce qu'on regrette, أن المسلمين منعوا الزكاة في هذا العصر. C'est que les musulmans ne donnent plus dans leur majorité la zakat à notre époque. فازدادوا فقرا et ils sont devenus encore plus pauvres. والحل في الرجوع بسرعة إلى الزكاة. Et la solution se trouve dans un retour immédiat et rapide vers la zakat. لقد قال الأجانب في شهادتهم عن الزكاة. Les étrangers ont dit dans leur témoignage à propos de la zakat. قال Thomas Arnold dit: هي نظرية دينية. Il s'agit d'un modèle religieux. تتحقق على صورة رائعة qui se réalise selon une image extraordinaire. تبعث على الدهشة qui pousse à l'étonnement. وقال ليودروش et ليودروش dit: لقد وجدت في الإسلام حل المشكلتين الاجتماعيتين اللتين تشغلان العالم. J'ai trouvé en islam la solution des deux problèmes sociaux qui préoccupent le monde contemporain. أقول فمن علم محمدا الأمي صلى الله عليه وسلم النظام العملاق للزكاة. Je dis qui donc a appris à Muhammad l'illettré prière et sur lui ce système géant de la zakat. الجواب لا إله إلا الله. La réponse: il n'y a aucune divinité à part Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب وفق المسلمين. يا رب وفق أغنياء المسلمين لإخراج الزكاة في العالم الإسلامي. اللهم وفقنا جميعا. اللهم وفق الأغنياء منا لإخراج الزكاة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها طهارة لنفوسهم وزيادة لأموالهم وبارك للفقراء فيما يأخذون من زكاة المال. اللهم يا من لا إله إلا هو نسألك في هذا اليوم إن إخوة لنا يعيشون تحت ظل الحصار وقد قهرهم الحصار وأنت أعلم بهم منا. اللهم ارفع الحصار عنهم. اللهم ارفع الحصار عنهم. اللهم رد لهم الأمان والطمأنينة. اللهم أنزل عليهم رحماتك. اللهم أنزل عليهم رحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب من لهم غيرك يا رب المستضعفين. يا رب العالمين ارحمهم في هذا اليوم. ارحمهم في هذا اليوم. ارحمهم في هذا اليوم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.